conscience partagée. Écoute ton cœur, il connaît le chemin. Dans la lumière, il te guide serein. Chaque pas que tu fais éclaire ton destin. Laisse ton âme briller comme un matin. Comme une mélodie jouée par le vent, chaque note résonne dans un instant présent. Les accords de l'âme vibrent doucement, créant une symphonie de moments éclatants. Écoute ton cœur, il connaît le chemin. Dans la lumière, il te guide serein. Chaque pas que tu fais éclaire ton destin. Laisse ton âme briller comme un matin. Tel un peintre créant une toile de vie, chaque couleur posée raconte une harmonie. Dans les nuances du temps trouve l'alchimie qui transforme les ombres en mélodie. En mélodie. Écoute ton cœur, il connaît le chemin. Dans la lumière, il te guide serein. Et chaque pas que tu fais éclaire ton destin. Et laisse ton âme briller comme un matin. Tel un papillon qui s'éveille au printemps, déploie tes ailes et vole avec le vent. Et chaque battement est un instant présent qui te guide vers tes rêves éclatants. Écoute ton cœur, il connaît le chemin. Dans la lumière, il te guide serein. Chaque pas que tu fais éclaire ton destin. Laisse ton âme briller comme un matin. Comme un ruisseau paisible qui serpente la terre, l'amour coule avec une douceur sincère. Dans le grand océan de la vie éphémère, sois la vague qui porte les rêves solidaires. Les rêves solidaires. Écoute ton cœur, il connaît le chemin. Dans la lumière, il te guide à serein. Et chaque pas que tu fais éclaire ton destin. Laisse ton âme briller comme un matin. Dans le miroir des jours reflète la grandeur. Chaque sourire donné une lueur. Les ombres s'effacent face à la chaleur, car on est le soleil qui chasse là où les peurs. Ah, écoute ton cœur, il connaît le chemin. Dans la lumière, il te guide serein. Et chaque pas que tu fais éclaire ton destin. Et laisse ton âme briller comme un matin. comme un arbre sans fer, enraciné dans la terre. La force intérieure est un mystère, les saisons passent, mais reste sincère à soi-même, à son cœur, à son univers. Tel un diamant brut, la beauté se révèle à travers les épreuves, les éclats se modèlent. Dans les vagues de la vie, sois l'encre fidèle qui maintient le cap malgré les tempêtes cruelles. Seuls ceux qui sont conscients de leur valeur prendront soin de vous et de votre cœur. Et conscience partagée.